victoire. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like water. We don't like water. Je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on and on and on. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Et c'est une nouvelle tuerie. L'image de Shogakawa et d'Alam, c'est John. Oui, mon téléphone sonne. L'image m'appelle, on a en école. Je me mets en mode pour une soirée dancehall. Oui, je sens que ça va être cool. People, ils nous ramènent ces mix comme d'habitude. Je ramène ma vibe et l'attitude. Cette soirée, ça m'a comme d'habitude. Allez, on j'aime au vibe, c'est ça. Ensemble on va mettre le fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur. Meilleur ailleurs. Ensemble on va mettre le fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur. Meilleur. En face, rien n'a changé. Image up, DJ validé. Toujours les mêmes codes, ils n'ont pas changé. Nous en sommes parés pour la night. We are beyond Jaya. Man and woman, we are beyond Jaya. Baba no papa kita, we are beyond Jaya. Hey, hey, badandan, badandan. Yal, tu as le bon rôle. Sur la piste de danse, c'est toi qui contrôle. Tu bouges terrain et je frissonne. L'image en voit la basse qui résonne. Non, on ne peut pas en rester là. Quand le son est bon, l'ambiance est bad. Quand il a les blazes et check tes gars. Full la water. On est ailleurs. Ensemble on va mettre le fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur. Meilleur. Ailleurs. Ensemble on va mettre le fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur. DJ validé, toujours les mêmes codes, ils n'ont pas changé. Tous ensemble, pareil pour la night. We are beyond Jaya, man and woman, we are beyond Jaya. Papa le papa qui s'en, we are beyond Jaya. Speed ayant qui m'était dit fait tout pas tout nous passer. Tout ça ça marre, il m'a choqué, il m'a l'air. Que mon d'accord pas qu'à speed ayant qui m'était dit fait tout pas tout nous passer. Il y a man normal, mais on est plus qui est à man couture. On est ailleurs, ensemble on va mettre les fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur. Meilleur. Ailleurs, ensemble on va mettre les fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur, meilleur. Meilleur, meilleur, meilleur. Ailleurs. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Radio. Floor, un max de son dance floor. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Salut, c'est Benjamin Braxton et vous écoutez mon nouveau single Ailleurs sur Radio Mixplore. happen to fantasizing about what we wanna be? When do we settle for a life that isn't free? When are we gonna realize this ain't how it's supposed to be? When will we close our eyes and let life take us high? Radio Mix Floor. What up, what up? Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Yeah! Radio Mix Floor. de son Dance Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses, même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve, si tu me laisses la première place, oh baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir, car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque, tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve, si tu me laisses la première place, oh baby. Matoka dan da dan da dan, allez dan da dan da dan dan, matoka dan da dan da dan. Je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve, si tu me laisses la première. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. This time I ain't gonna run away. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm

walking around and there's booty everywhere. Up and down and round and round. I'm looking around and there's booty everywhere. Up and down and round and round. She got one that I like, she got one I like too. She moving it just right, she moving it right too. I'm looking around and there's booty everywhere. Up and down and round and round. She got one that I like, she got one I like too. She moving it just right, she moving it right too. I'm looking around and there's booty everywhere. Put it in the Mixfloor, un max de son dance floor. Radio Mixfloor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Maman, le son qui fait mal. Pourtant j'arrive gentiment. L'ascension est phénoménale. J'suis venu prendre mon bif poliment. C'est le maestro, j'mets trois coups de tête. Deux pour marquer, un pour toucher. J'traverse la piste, y'a que des fous. Minimum à faire toucher. Tu veux une top, j'te fais kiffer. Tu me parles de l'autre, j'sais pas qui c'est. Ma vie est faite de plats épicés. De grosses voitures, de femmes métissées. Comme au Brésil, les jeux sont lissés. J'ai rencontré ma femme au lycée. Père de famille, j'suis venu la glisser. Et tu te demandes encore qui c'est. C'est le maestro. Si j'en fais trop, pardon, je sais. J'crois que c'est le succès, mais tu sais. Je n'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. Talent gâché, j'ai dû cravacher. J'me suis arraché, arraché, arraché. J'y ai cru quand ça ne voulait pas marcher. On y go. J'suis pas ton leader, j'suis pas ton poteau. On y go. C'est juste du son, juste des photos. On y go. Tu feras ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un piece, j'arrive si tu veux. J'suis pas là pour rendre fou les types. Tu m'insultes sur le net, j'suis pas Ghostbuster. Tu m'insultes en face, bang, j'suis pas boxeur. J'ai traversé le monde bédo dans le boxer. Pas forcément sur les ondes, mais dans le top zero. C'est le peuple qui m'a porté. Le bled qui m'a forgé. Même si l'avenir est incertain, on avance avec fierté. T'as pas de monnaie, tu connais, c'est la team. Ton flow est rayé, mais c'est pas l'Argentine. Tu n'y arriveras pas, même avec créatine. Non, tu n'y arriveras pas, je suis trop créatif. C'est l'artiste, baby, tu connais le blast. Toutes mes copines te diront que c'est la base. Calme, calme, laisse-moi kiffer la vibe. J'suis venu cracher ma rage et me barrer comme diable. On y go. J'suis pas ton leader, j'suis pas ton poteau. On y go. C'est juste du son, juste des photos. On y go. Tu feras ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un piece, j'arrive si tu veux. J'suis pas là pour rendre fou les types. Vamonos. Vamonos. Elle a trop de flow. J'suis polygame. Pas abusé. C'est mon malheur. Abusé. J'ai un tour de trop, mais ils me voient pas parce qu'il y a pas de rétro. Dans le métro, j'ai un tour de trop, mais ils me voient pas parce qu'il y a pas de rétro. Dans le métro, yeah. On y go. J'suis pas ton leader, j'suis pas ton poteau. On y go. C'est juste du son, juste des photos. On y go. Tu feras ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un piece, j'arrive si tu veux. J'suis pas là pour rendre fou les types.

got a little bit trashed last night. Night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night. Night. I got a little wasted. Yeah, yeah. You doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hen, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I call my homie Tyo, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Be a kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the brag, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this celery. I show up, but I never throw up, so let the drips go up, pull up. I got a hangover, whoa. Been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until they close up. And I can drink until I'm tore up. And I don't ever. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. En à l'arrière, tout s'enflamme aux ses chaleurs. Elle retire tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la boule, j'en oublie ma tournée. Et le tel sort, les autres attendent. Max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. For the glisten and the glare, now it's something I'm starting to feel. De son dance floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Here we go. Staring at me, scratching your head with a bewildered look on your face. You don't quite seem to recollect. It's as if there isn't a trace of all the reasons that I got to leave. All the way. Done things all. You're a liar, a cheat, unfaithful. Make me a believer. Don't cheat yourself, I treat ya. She's strutting like a diva. Got a glam squad for her features. I got approval from all my peoples. Is she the one? Is she a keeper? Cause you never know about love, baby. Must be messing with them lanes, baby. I could be what they aim, baby. Get a taste of this fame, baby, baby. Oh no, not me. I never cheat, not me. Don't get left all alone. I think you got me alone. Got me all wrong. I think that I don't. I think you got me all wrong. Oh, you're playing the fool. I wouldn't do you like that. Yes, you would. I think you got me all wrong, girl. No. I think you got me all wrong, girl. I think that I don't. I think you got me all wrong. Oh, you're playing the fool. I wouldn't do you like that. Yes, you would. I think you got me all wrong, girl. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. You love me. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing, floating down, I'm wishing. It's like I'm always causing problems, causing hell. I didn't mean to put you through this, I could tell. We gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Radio Mix Floor. What up, what up? Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Yeah! Radio Mix Floor. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money, them and a party, party, party. All of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayah, ayah, ayah, ayah, ayah. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money, them and a party, party, party. All of them sexy, sexy.

it. You got a BFF, I wanna see that girl, it's all women invited. Hair do's and nails, that Louis Chanel all up in the party. Presidents in my wallet, no rules, I'm bout it. Blow the whistle for the hottest. I got it. Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. So many boys in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Bryson, 2 years ago I renewed my license. Anyway, why'd I start my verse like that? You can suck a dick, you can suck on a ball sack. No, no, I don't endorse that. Pause that, abort that. Just the other day, me go to London. Saw that kids in the street, paparazzi, all that. Hey, hey, what can I say? Day to the day, to day to day, day, day. Coming through the club, all the girls in the back of me. This ain't football, why the fuck they tryna tackle me? Really? I peep do it at the bar like Billy. Looking like he want a good time like Billy. Said he got a friend for my homegirl Lily. Lily, Lily, Lily, Lily. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Yeah. Un max de son dance floor. I'm only human. Just what can I do? Cause I feel the fusion when I'm there with you. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Yeah, you know who we are. I am the chemist, Papa London, and DJ LBR. Turn it on the team station. C'est Sigal Angelica. Allez, je me lance, c'est parti, on y va. Ah non, finalement, la question change, je ne sais pas. Elle m'excite, toutes ces mamacitas. Le dance floor est rempli de dynamite. Chacune d'entre elles est une vraie señorita. Au final, je ne peux décider. Hey man, I love my life and it never ends. You know I got plenty girlfriends. Which one am I gonna call? Now let me try to name them all. Tina, Tina, Alina, Shauna, Erica, Monica, Louisa, Veronica, Ella, Bella, Stella, Jessica, Elena. J'fais le contrôle, j'maîtrise plus rien. D'autres en bagarre, la move une heure. La soirée bad et tonique. Quand tu bouges ton camp, c'est la panique. Y'a les gars, sous les gars, c'est no limits. I got a damn set. I love my life and it never ends. You know I got plenty girlfriends. Which one am I gonna call? Now let me try to name them all. Tina, Tina, Alina, Shauna, Erica, Monica, Louisa, Veronica, Bella, Bella, Stella, Jessica, Elena. Sexy girl, je kiffe ton style lady girl. Laisse tomber, je peux pas me décider. Je perds le contrôle. Mon cerveau va fumer. Mon cœur s'affole. Je n'en peux plus, je vais danser chaud. Max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see. right here in this moment where we belong. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. We sing, oh, I don't wanna do this without you. Oh, I won't let go now that I found you. Now that bye. Je suis venu, j'ai vu et j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. Et dans ma vie j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Le feu de l'action qui brûle peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Ce soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Je veux chanter mon existence pour oublier ma tragédie. Mes cicatrices comme récompense. Mon fils est loin, c'est quoi cette vie? Mes réminiscences, des coïncidences, plus j'y repense. Au fond, je me dis, si c'était à refaire, je ne changerais pas. Donne-moi le premier rôle et tu verras, verras. Rien ne m'arrêtera, allez, reste pas planté. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. You keep on taking me higher. Taking me higher. I can't calm down. Searching for something. Searching for something I never found. My love for you. Taking me higher. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Oh, Mixfloor, un max de son dancefloor. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Pour me laisser, j'ai des rêves et des projets et je dois avancer. problèmes, je les jette par la fenêtre. Profiter de la vie sans penser à demain. Radio Mixfloor. Voilà, voilà. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Yeah. Radio Mixfloor. Il est 5h du matin. Les moutons, je les ai comptés. Le silence me met des claques. Je suis en pleine négociation avec Morphée. Je suis foutu, j'ai pas sommeil. 4 heures avant d'aller taffer. Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête à tête avec mes pensées. J'ai tout essayé. De son dance floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor.

max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. Quand sur mon corps tes soupirs me donnent le tempo, c'est le parfait accord de ta peau sur ma peau. Classe et secret défense. Is it weird that your ass remind me of a Kanye West song? Kanye West song. Est-ce normal que je passe mon temps libre à combler tes absences? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. Quand sur mon corps tes soupirs me donnent le tempo, c'est le parfait accord, parfait accord de ta peau sur ma peau. And they play for you, girl. De ta peau sur ma peau. Jamais envie d'être sage. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Est-ce normal que je sois comme un loup sorti de sa cage? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Ah yeah. Ah, ah, ah, ah, yeah. Un max de son dance floor. Yeah. Sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes lacs. Tu m'as comme donné

Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. In a world where you're surrounded by the plastic, free your mind and just lose it. No test drive, just do it. This murder is so accidental, us building is so monumental. Got me in my zone, had to build my own. That put me in my throne, but this time we can't go home. Radio Mixplore. What up, what up? Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Yeah! Radio Mixplore. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.